Ah bon. On appuie là? Oui, aussi là. Allez, alors, qu'est-ce que je te raconte? Une histoire? Une chanson, une histoire. Bon, une histoire. À côté de Montfleury, où c'est qu'il y en a le collège à la Oui, j'habite un lapin tout fartasse. Il a les yeux rouges mobiles comme les phares d'automobile. Je vois pas. Et par derrière? Ah, et par derrière, un babousse joli rond comme un petit facousse. En plus de son appartement, il a le travail pour courir, sauter vers le cabriole et faire le mariole. Un jour que j'y vais pour entrer, il trouve la porte de son maison fermée. Boum, boum, boum, sacré tonnerre qui fait cette lapin tout à fait en colère. Soudain que j'y s'ouvre une fenêtre et que j'y sens voir la tête d'un belette. Qui lui dit, yahouya. Qu'est-ce qui te dit que cette balasse est plus à toi qu'à moi? D'abord, elle est sale, cette boutique. Elle est pleine de puces, de peaux qui me grattent la tête, qui me piquent partout. Si tu n'es pas content, alors chez Sidi Gatous, c'est le caddie. Sidi Gatous, j'en ai couché au soleil avec son yeux fermé comme si j'en ai sommeil. Soudain, quand les deux respecteurs pour expliquer ses erreurs, ils jettent la batte. Par la droite, par la gauche, et bouffe toutes les deux comme une petite côtelette. Voilà comment qui finit cette petite historiette. Je m'appelle Christelle. J'espère que tu vas boire un lait de chat. Elle est bise à la balle Christelle. Voilà. Est-ce que c'est la bonne cassette qui s'en est? Chez nous, la rivière est large et profonde. Moi, je la saute d'un bond. Ma femme passe sur le pont. Elle cure et la saute. Et le grand vicaire, toujours par derrière, n'a jamais pu la sauter. C'est ce qui l'embête. Il y a trois couplets comme ça. Après, comment c'est que tu le mets pour savoir si ça a bien enregistré?